love ain't enough, point arm. This is the Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 1er septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau est absent cette semaine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est lui qui va co-animer avec moi la saison des Palmarès C'est fou. Et là, il est pas là pour sa première émission parce que c'est le grand spectacle de la rentrée. Hashtag rentrée UQTR pour ceux qui écoutent en direct ce jeudi 03 septembre 2014. Ça se passe en soirée sur le campus de UQTR. Venez nous rejoindre. Mais on salue Jean-Philippe à distance. À l'émission d'aujourd'hui, d'ici la fin de l'émission, on va savoir si nos numéros 1 sont toujours du côté francophone La Bronze avec la jeunesse féline et en anglophone Fucked Up avec Sunglass. Les Palmarès C'est fou pendant tout l'été étaient de façon intermittente, à intervalles irréguliers, je vous dirais. Des fois, c'était aux deux semaines, des fois, c'était au moins et demi. Là, on visite cette semaine la période du 25 août au 7 septembre 2014. Après ça, on va être complètement à jour dans tout et partout. Il va y avoir un palmarès par semaine, tout l'automne et tout l'hiver. Il y a quatre nouvelles entrées. On va entendre en anglophone plus tard Orange O'Clock, Debbie Tebbs, qui va être en spectacle d'ailleurs ce soir au hashtag rentrée UQTR, featuring Mr. Valar, qui est aussi en spectacle ce soir. Donc, une grosse formule gagnante. On va aussi entendre The Devin Cuddy Band, ça c'est nouveau. Mais on va commencer en 20e place francophone avec un nouvel extrait de Rouge Pompier. C'est un simple. C'est même pas sur un CD encore. Voici Vers de Terre au 89 FM. C'est des palmarès, c'est fou. Un nid de poule, j'suis comme un ver de terre. Did he treat you kind? For this darling, oh, I'll do

day. She's drowning her stuff on the streets for money. Rope is tightening up and it's harder to breathe. She's exhausted and weak. Quatre nouvelles entrées dans les palmarès cette semaine. Chacune meilleure que l'autre d'avant. Wow! On va entendre Orange O'Clock et Belly Button sur l'album auto-titré. Orange O'Clock, vous êtes numéro 18 anglophone. Avant ça, on a entendu... j'avais des affaires à dire sur Orange O'Clock, qui est un groupe rock originaire de Sherbrooke, au Québec. Ça sonne comme ça, c'est de Sherbrooke, c'est super bon. Créé en 2010, c'est un trio dont les membres sont Michael Fortin, Raphaël Fortin et Anthony Simon Dubuc. Avant, en position numéro 19, c'était Debbie Tabs featuring Mr. Valère et la pièce Up. C'est la pièce titre de l'album Up de Debbie Tabs, un nouvel album en magasin le 23 septembre. C'est le premier extrait qui en est sorti. Elle est native de Montréal. C'est une compositrice, interprète et réalisatrice offrant une musique synth-pop modernisée aux instrumentations électroniques et new wave. Impératrice dans l'art de manœuvrer les séquenceurs et synthétiseurs. C'est vers la fin des années 90 qu'elle développe ses premières armes sur les platines des événements les plus prestigieux d'Europe, des États-Unis et du Canada. C'est donc Debbie Tabs en spectacle, rappelons-le, ce soir jeudi le 03 septembre sur le campus de l'UQTR. C'est gratuit pour les étudiants, c'est 30$ pour ceux qui ne sont pas étudiants et c'est organisé par la GEQTR avec l'aide de C'est Fou. Entre autres, Jean-Philippe Charbonneau, co-animateur, ici même des palmarès C'est Fou. Génial. J'étais en train de parler de nouvelles entrées. En 20e place, on a entendu The Devin Cuddy Band sur son album Kitchen Knives. C'était l'extrait 44. Et au tout début du bloc, c'était Rouge Pompier et leur nouvel extrait Vert de Terre. En passant, Devin Cuddy, qui est un artiste canadien, auteur, compositeur, interprète. Voilà. Les informations sont données, les nouvelles entrées sont écoutées. Quand on accueille des nouvelles pièces, il faut dire au revoir à celles qui nous quittent. Et cet hommage se nomme Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 4 au 24 août 2014. On a entendu au début du bloc Clément Jacques et Dans nos cœurs qui a duré 8 semaines. Ensuite, Chad Van Galen et Where Are You qui en a duré 7. Chromeo et Jealous, I Ain't With It. Elle va me manquer, je dois l'avouer. C'est un peu pop, mais quand même, je l'aimais. 5 semaines. Et finalement, Piff Paff Hangover, un groupe que je trouve fabuleux. Whatever Works est le nom de leur pièce. Ça a duré 6 semaines. Et en passant, si vous avez aimé Whatever Works, Artist of the Year, qui sont ceux qui font les enrobages des palmarès C'est fou, tout ce qu'on entend, sauf ce qu'il y a dans les chroniques comme maintenant, c'est pas eux, là. Mais Artist of the Year a repris Whatever Works et c'est disponible sur leur Bandcamp. Voilà. C'est tout pour Palmarès in Peace. On fait ça chaque semaine, juste après les nouvelles entrées dans les palmarès. C'est fou. Maintenant, c'est le moment de sauter par-dessus plein de choses. Et tantôt, étant donné qu'on n'entend que les nouvelles entrées en début de première heure, on a sauté par-dessus quelques trucs. Donc, en position numéro 19, c'était Fontarabie et Forcé au quitté qu'on n'a pas entendu, qui descendait de 3 places, qui est là depuis 9 semaines. En 18e, on saute en francophone par-dessus Canaille et Marathon, qui descend de 7 places. En 17e, Calericudon et notre propre roulette russe. En 16e place, Caravane et Minuit. Voilà. Ensuite, du côté anglophone, en 17e place, on saute The Stripes, You Can't Judge a Book by the Cover. Et en 16e place, Going to Hell par The Pretty Reckless. Et voilà qui nous remet à jour. Et on peut passer aux 15e place. Du côté anglophone, c'est Owen Pallett et son extrait Song for 5 and 6 qui descend de la 9e place. Mais avant ça, voici Pandaléon qui descend de la 8e. C'est Tune de chasse. Au 89 FM, vous êtes dans les palmarès C'est fou. Et ça, c'est un condensé, imaginez-vous, de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. C'est ici que ça se passe. Hein? Les mercredis, 14h à 17h en direct. La bête a trop perdu du sang. Le mien reste froid. On traque, on l'amène à sa perte. La chasse est ouverte. J'en oublie tout. forêt, on a les mêmes gars. On a faim pour rester muet, des cravings de folle. on the planet, boys on the ball. The sticks smash on the planet, boys to the town. Victorious in World War. The sticks smash on the planet, boys on the ball. Boys on the ball. In war, the sticks smash on the flatbed, boys on the ball. The sticks smash on the flatbed, boys to the town. Victorious in war, the sticks smash on the flatbed, boys on the ball. Owen Parlett et Song 4, 5 and 6 en position numéro 15 anglophone. Avant, on a entendu Pandaléon et Toune de chasse qui descendait de la 8e. On a sauté bien des choses en début d'émission. Tantôt, on va essayer de sauter le moins de choses possible d'ici la fin de l'émission. On n'a pas d'instant classique parce qu'Assemblage Requis vient de commencer. Et dorénavant, étant donné qu'on est le mercredi, on va tout le temps jouer la semaine précédente. Donc, ça va commencer à partir de la semaine prochaine, les meilleurs moments d'Assemblage Requis dans un instant classique. Ce qu'il nous reste à faire plus tard dans l'émission, c'est C'était fou. Le bloc où on retourne en arrière, on va retourner en 2009 cette fois-ci. Il nous reste aussi ailleurs dans les palmarès. On va entendre un petit peu de musique du monde et faire la promotion incessante de David Ferron. On passe aux 14e places qu'on adore, David Ferron, salut. 14e place du côté anglophone, c'est Beef Donut et Found Like This qui descendent de la 6e place, mais avant ça, en francophone, ceux que j'appelle affectueusement Octoplut pour ne pas être vulgaire, mais leur nom est Octoplot. Hein? Si un cover band d'Octoplot s'appelait genre vulgaire, est-ce qu'on le dirait à radio? Hein? Et là, je pense que je dois me partir un band parce que j'ai dit non à radio, puis ce serait vulgaire si je disais si j'avais pas vraiment un groupe de musique. T'sais? Parce que c'est correct quand tu cites quelqu'un d'autre. Octoplot. Leur pièce s'appelle Noir Foncé. Elle descend de deux places. Les voici tout de suite au 89 FM, mais c'est des palmarès, c'est fou. We'll be right back. 14. Et Found Like This en position numéro 14 anglophone, ça descend de la 6e place. Et en franco, on a entendu Octoplot et Noir Foncé qui descend de 2 places. C'est la 5e semaine pour cette pièce sur l'album Pansement. On est rendu aux 13e place dans les palmarès. C'est fou, évidemment, on écoute le top 20 francophone et le top 20 anglophone. On écoute pas mal plus de musique qu'on a écouté cet été. Disons que je suis pas mal content de revenir à la formule habituelle des palmarès. C'est fou pour entendre cette musique-là qu'on n'a pas tellement entendu l'été parce qu'on jouait seulement les nouvelles entrées et le top 3, quelques petites pièces additionnelles. C'était pas ben long cette histoire-là. Mais bon, les palmarès, c'est fou de retour en version 2-3 heures. Et donc, on joue presque tout les mercredis entre 14h et 17h avec moi et Jean-Philippe Charbonneau qui va être de retour la semaine prochaine. Donc, en 13e place anglophone, c'est Bad Bad Not Good avec Can't Leave the Night. Ça descend de la 4e place. Avant ça, en francophone, elle monte de une. Tu sais, elle y va tranquillement, tu sais. Hein? C'est Nicolet qu'on écoute avec Centre. Tout de suite, au palmarès, c'est fou. Charbonneau, je préfère Charbonbon, mauvais, mauvais, bonneau. C'est bad, bad, bad, good. Mais on le fera pas. Pas devant lui. Celui qui calme ma torpeur. reste ma maison, la seule lumière. Partir à l'heure Et pour ce numéro 13, en anglophone, c'était Bad Bad Not Good et Can't Leave the Night en 13e anglophone, c'est ça? Et en francophone, oui, je l'avais déjà dit. Nicolet et Centre, voyons, ça monte d'une place. Habituellement, je ferais jouer les positions numéro 12 et je sauterais les 11e en faire le contraire cette fois-ci. Par contre, quand, je suis dans mes mêlées aujourd'hui. Ouais, non, hey, vas-y, habitue-toi à ton format. Donc, on va aller au 11e place du côté anglophone, c'est stable. Tokyo Police Club et Hot Tonight, 4e semaine de présence. Mais avant ça, en francophone, c'était nouveau la semaine passée, c'est pour ça qu'on l'écoute, c'est pour ça que je tenais à la faire jouer. Elle monte de 9 places, donc voici Commando par Propofol tout de suite au 89.1 FM. We'll be right back. occupe les slabs et Hot Tonight, stable en 11e. Avant, c'était Propofol et une nouvelle entrée du précédent palmarès, Commando, en francophone. Ça monte de 9 places. C'est tout pour la portion New Shit des palmarès. On se retrouve avec la portion Top 10, la 2e heure, dans quelques instants. Restez là. C'est la portion top 10 des palmarès fous pour la semaine du 1er septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau est absent cette semaine. En fait, il est en train de préparer le gros spectacle hashtag rentrée UQTR qui a lieu sur le campus ce soir, le 03 septembre 2014, avec Radio Radio, Mister Valar, Debbie Tebs et Dead Obies. Ça se passe sur le campus de l'UQTR tonight. Ah oui, ce soir. Et Jean-Philippe Charbonneau va être de retour à la semaine prochaine pour sa première émission. Donc, de retour de rien avant. Donc, position numéro 10, c'est évidemment par ça qu'on commence dans l'heure top 10. Pourquoi je veux tout le temps dire position 10? C'est l'heure top 10. Dépendant, c'est fou. Est-ce qu'on se comprend? 10e position anglophone, c'est Pink Mountain Top. C'est Ambulance City qui descend de 5 places, mais avancé en francophone, ça monte de 8. C'était nouveau dans le précédent palmarès. Voici Ludovic à la vie. Ludovic à la vie, trop de syllabes. Ludovic à la vie. Contre-courant, tout de suite. Sur C'est fou. C'est palmarès, c'est fou. Ludovic Allary. Avec un crayon dans la bouche, là. Non, c'est pas lui. Prends les yeux d'un envisage à ton valeur. Ton tête première. Regardant vers le bas pour retrouver tes forces, tu brises le silence par ton absence. Yeah. Pink Mountaintops et Ambulance City, ça descend de 5 places en 10e position anglophone. Et juste avant, du côté franco, c'était Contre-courant de Ludovic Allary. Voilà, là, je sais comme fou, ça. Ça monte de 8 places, c'était nouveau dans le précédent palmarès. On monte au 9e maintenant. Du côté anglophone, c'est Language Arts. C'est le deuxième extrait de l'album Wonderkind. Il s'appelle lui aussi Wonderkind et ça monte de 10 places. C'était nouveau dans le précédent palmarès. Et en 9e place, c'est là depuis seulement 3 palmarès. Je n'utilise pas le terme semaine. Comme j'ai dit au début de l'émission, les semaines étaient variables, à longueur variable cet été. Donc, les passagers avec Acheter ta peau commence le bloc en 9e franco, tout de suite au palmarès, c'est fou, sur le 89.1 FM. C'est tapissé de bleu de la tête aux pieds. C'est Wonderkind, monde de 10 places en 9e position anglophone. Et en franco, c'était Les Passagers avec Acheter ta peau qui monte de 4 places sur l'album Le Ciel est noir. C'est les Palmer assez fous qui continuent comme ça. Habituellement, à cette heure-ci, ce serait... environ cette heure-ci, ce serait un instant classique avec les meilleurs moments d'un sondage requis. Mais un sondage requis a commencé mardi de cette semaine. On est rendu mercredi, nous en direct, le 3 septembre. Il n'y a pas encore eu tant de meilleurs moments que ça. Donc, attendons à la semaine prochaine. On va toujours avoir une semaine de délai. Donc, le mercredi, on va jouer les meilleurs moments d'un sondage requis pour la semaine qui précède la diffusion de l'émission en direct. En 8e place anglophone, plus tard, ce sera Cousins et Other Ocean qui montent de la 17e place. Mais avançant en 8e francophone, ça monte d'une toute petite place, mais ça une très très bonne chanson. Voici Holiday de Radio Radio qui, en passant, et là je le dis souvent, mais on va le répéter tout le long de l'émission, le spectacle de la rentrée qui s'appelle Hashtag Rentrée UQTR. C'est ce soir sur le campus de l'université avec Radio Radio, Mister Valère en tête d'affiche, Debbie Tebbs et Dead Obies. Tout ça ensemble ce soir. Ça commence à environ de 19h, me dit-on. Donc tout de suite, écoutons-les Radio Radio avec Holiday sur C'est fou. Dans vos oreilles. We'll be right back. in a minimum vacation. Hop in on my ride, hop in dans mon pédalo. In a minimum, je suis sur ma. In a minimum vacation. In a minimum, il fait beau quand ça pense point trop. Je suis sur ma holiday. J'suis sur ma paid vacation, c'est confirmé. J'suis sur ma holiday. Jump sur la beat pis c'est bon. Bon, freaky dicky bonne chanson. Chanson. J'ferme les yeux dans la vente. Vente. C'est faux pis c'est bon pour le sang. Sang. Travaille trop fort, tu peux prendre des vacances. Mais plus qu'une semaine, ça vaut la peine. Voyage voir les baleines, tout proche la Seine. Là, tu peux s'aider ou tu peux sceller. L'autre bout du monde, c'est le temps pour toi-même. T'avais travaillé dur pour ta payday. Maintenant, c'est le temps pour les holidays. Sois coque-toi sur ta chaise à l'aise. Les pieds dans le sable, c'est easy. Oui, that lazy, c'est une merveille. Un, deux, trois, on se laisse aller. Sois prends une dip sur la Sunset Strip. Les vagues qui me chuchotent l'oreille comme le soleil qui me réveille. Après la magie non-stop qu'on a pris la baie. Double dip dip à la lemonade. C'est la best best. Yes yes. Sous la sous la sous la shade. Shade. Shade. Sous la sous la sous la shade. Shade. Shade. Sous la sous la sous la shade. C'est des vacances de même. Sauf pour ta flat, pour ta chambre. Credit card ou debit card. Faut que tu prennes des vacances. De tes vacances avec du zone ou avec des personnes. Va sur ta trip, plein ta trip, man. C'est ça ma holiday weekend. Party dans ton days end. Ça c'est pas mal, pas mal. En vrai dans ta soirée. J'ai dit c'est pour la weekend. Days end. Ça c'est pas mal, en vrai si c'est en vrai. Où ça finit ben je dirais là. Quand ça finit ben c'est avec toi. Près de la main on s'amènera. Un peu plus loin parce que t'aimes ça. Où ça finit ben je dirais là. Quand ça finit ben c'est avec toi. Près de la main on s'amènera. Un peu plus loin parce que t'aimes ça. Vite. Cousins et Other Ocean en position 8 anglophone et du côté francophone. Bien sûr, Radio Radio et Holiday qui montent une place. Dois-je encore rappeler le spectacle de ce soir, mercredi 3 septembre 2014, hein, sur les campus de QTR. Radio Radio, Dead Obies, Mr. Valère, Debbie Tebs dans un autre ordre que celui que je viens de mentionner. Pour ce numéro 7 maintenant du côté anglophone, c'est Bri Webb avec AM Blues qui est stable. C'est sur l'album Free Will. Et en francophone, c'est Alexandre Désilet avec une nouvelle entrée du précédent palmarès sur son album Fancy Ghetto. On s'en va entendre l'extrait Crime Parfait, puis ça commence avec des clap-clap. Fait qu'on va tout faire des clap-clap ensemble. C'est des palmarès, c'est fou. Malheureusement. Tout habillé, je me réveille. Pas un bruit, j'ai compris que je m'étais fait doubler. Pourtant j'avais tout pensé. Le jour, l'heure et l'endroit, le cerveau, c'était moi. Je me suis bien fait baiser. Pendant des mois, j'ai galéré, obligé de me cacher. Mais un dimanche, un soir, dans un café, à la télé, je vois mes complices se faire amener et menoter. Dès lors, vous comprenez que c'est avec moi qu'il faudra marcher. Des gens, des filles de Saint-Tropez assises au bar. Tu vas à boire la vie à mort. Dites-moi comment ne pas aimer. Yeah. cages. Paint the walls. Don't you name some strangers. When I call, they have blues. They have blues. You always gotta hang up. I'll always press my luck. But maybe one day, honey, you just won't hang up. Any game you choose, it's a game I was born to lose. La septième position stable en anglophone, c'est Bri Webb avec AM Blues. Avant ça, en franco, c'était Alexandre Desilets et Crime Parfait qui montent de la 19e place. C'était nouveau dans le précédent palmarès. Avant de continuer dans le présent avec les positions numéro 6, arrêtons-nous un petit peu pour retourner en arrière. Voici C'était fou. Cette fois, on recule à la semaine du 4 septembre 2009. Oh, je m'en remets dans mes hivers. Ce soir, j'irai en boîte et je ferai un carton. C'était les positions numéro 10 de la semaine du 4 au 10 septembre 2009. On va entendre La solitude amoureuse par 011 sur leur album Calcul désintégral. Et avant ça, c'était Démentir avec Bronze Age qui vient de l'album Black Square. D'habitude, on faisait jouer les positions numéro 1 d'une semaine en cours. Je sais pas, j'avais envie de varier. J'avais envie d'écouter autre chose que les positions numéro 1. Là, il n'y a pas rien que ça dans la vie. Hein. Ailleurs, dans cette même semaine-là, alors qu'on faisait des top 20, déjà des deux bars depuis l'automne 2009, qu'on faisait depuis que les quotidiens ont commencé. Donc, il y avait entre autres là-dedans Mimi Van Der Glo, Malajub, Chinatown, Le Roi Poisson, La Patte Rose, Yann Perrault, numéro, oui, Vincent Vallière était là avec Sortir du bois. En anglophone, il y avait entre autres Voivode, Steve Hill, Au Bijou, The Mars Volta, New York Dolls, Mastercraft, Metric, Bad of Skulls, The Mannequin et plein d'autres. Voilà, donc allez voir le lien, allez lui cliquer dessus hein, pour la semaine du 4 au 10 septembre 2009. C'est sur assemblagerequis.com qu'on retrouve ça dans les notes de l'émission de cette semaine. Voilà pour C'était fou, on fait ça dans la deuxième heure, la portion top 10 de l'émission à chaque semaine. Maintenant, pour terminer justement cette presque terminée, en fait, il nous reste encore une quinzaine de minutes dans cette heure-ci. On vient avec les positions numéro 6 du présent. On parle de la période du 25 août au 7 septembre 2014. En anglophone, c'est Fucked Up avec l'ancien numéro 1 Sunglass. Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 anglophone, croyez-le ou non. En franco, ça descend de une. Voici Amor Blitz et Crime Parfait. Au palmarès, c'est fou sur les 89 FM. Que tu laisses ton parfum sur ma veste. faible. Je peserai sur ma tempe le canon de mon cœur. Ouais, c'est ça. D'artifice grandiose, je voudrais bien, c'est certain, que la détresse porte ton parfum. Et même si tu m'emmerdes à faire semblant que tout baigne, je voudrais bien que tu laisses un baiser humide sur mes lèvres. Directly at a sunrise. C'était Fucked Up et l'ancien numéro 1. Oui, l'ancien numéro 1. Sunglass. Fucked Up. Sunglass. En sixième franco, c'était Amor Blitz et Ma plus belle psychose qui descend d'une place. C'est presque tout, mais il reste encore une dizaine de minutes dans cette portion top 10 de l'émission. Et on va reculer un petit peu. Dans la première heure, on a sauté par-dessus les positions numéro 12. En anglophone, Pascal Picard et en francophone, Philippe Braque. Voici, t'aurais pas pu nous prendre à deux? Je sais pas si c'est une question, une phrase. T'aurais pas pu nous prendre à deux. T'aurais pas pu. Ou est-ce que t'aurais pas pu, il me semble? T'aurais pas pu, il me semble qu'elle aurait peut-être pu... Tous les étés qui ont grisé nos têtes, toutes les oies qui ont creusé nos yeux, toutes les disputes qui ont croisé nos fêtes, toutes les prières qui ont trouvé nos voeux, ne pourront plus jamais servir de souvenir. Et je ne peux désormais plus craindre le pire. Et je ne peux désormais plus craindre le pire. Si aujourd'hui je ne pleure que d'un seul œil, c'est que tu m'as enlevé mes aveux. Et si je parle d'une petite voix frêle, j'attends qu'elle s'éteigne au milieu d'un feu. Et d'un coup de vent, oh oui Dieu, tu m'as ouvert les yeux. Et t'aurais pas pu nous prendre à deux. T'aurais pas pu nous prendre à deux. 60 années de confiance, c'était pas assez pour que tu me donnes une chance. En espérant que ta porte soit mon mur. En espérant que ta porte soit mon mur. Enfin ensemble, nous ne serons plus rien. Blame me if you can't blame yourself. Anything that helps. It takes one to know one, but it takes two people to fight. Hit me and see if I swing back. Anything that helps. I'm gonna hold on to you as long as I can. I'll give it all that I've got. I'm gonna hold on to you as long as I can bear it. I love you as much as I can love, but it might not be enough. But I'm a ninja. Hit me and see if I swing back, or if I turn tail for my sake. Gonna hold on to you as long as I can. I love you as much as I can love. Gonna hold on to you until you give up on yourself, and there is nothing left to hold on to. And it might not be enough. Les 12e positions, on les avait sautées un petit peu plus tôt dans l'émission. En anglophone, c'est Pascal Picard et Runaway. Et en francophone, c'est Philippe Braque qui t'aurais pas pu nous prendre à deux, qui descend de la 7e place. Voilà, c'est tout pour la deuxième heure des Palmarès C'est Fou, la portion top 10. On se retrouve dans quelques instants pour la portion top 5. On va savoir d'ici la fin si le côté francophone est toujours en première place à la bronze avec la jeunesse féline. On sait déjà que le numéro 1 anglophone est descendu en 6e place. On l'a entendu il y a quelques minutes à peine. Alors, restez là pour la 3e et dernière heure des Palmarès C'est Fou. Bonjour, c'est la troisième heure, la portion top 5 des palmarès C'est Fou pour la semaine du 1er septembre 2014. On écoute les palmarès de la période du 25 août au 7 septembre 2014. À partir de la semaine prochaine, on va pouvoir reprendre le rythme. On va être tout le temps sur la même semaine, mais pour l'instant, on est encore sur le restant de la fin de l'été et du début de l'automne. Voilà. Donc, dans cette troisième et dernière heure, il y aura entre autres la section Ailleurs dans les palmarès. On va écouter un petit peu de musique du monde, comme on le fait en saison régulière. Mais on va commencer avec les 5e places en anglophone, ça monte de la 18e. C'est The Harpoonist and the Axe Murderer avec T42, mais avant ça, en 5e franco, ça descend de 3. Voici la très très charmante Fanny Bloom et Piscine. Ash plouche, plouche, plouche. C'est les palmarès, c'est plouche. C'est fou. Je me défends, mon redonner. 5. And Axe Murderer avec T42 qui monte de la 18e à la 5e place. C'était nouveau la semaine passée. Et juste avant ça, du côté francophone en 5e place, c'était bien sûr Fanny Bloom et la pièce Piscine. Je pense la pièce qui a eu le plus de succès cet été. Assez fou, c'est tellement bon, cette pièce-là. Piscine, c'est un single, un simple de Fanny Bloom. Maintenant, on passe aux 4e place et on apprend du côté francophone, malheureusement, que la position numéro 1 du précédent palmarès, la jeunesse féline de la bronze, ben, est descendue en 4e franco. Hein? On va l'entendre à l'instant. Ce sera suivi de Vogue Dots et Skating qui monte de 3 places. Puis après ça, ben, Caroline, je pense qu'on va se faire un petit ailleurs dans les palmarès. Hein? Tantôt. Mais avant ça, la bronze sur C'est fou. 89 FM. Moi, je me donne l'or. En barre. Ouais. Ça vaut rien. C'est moi qui donne le prix. T'sais. Je suis qui, moi, là-dedans? T'sais. On se bourre le corps de mort en attendant la prochaine extase. Qui nous remplisse les pores de cuisses, d'étincelles et de belles phrases. On pisse sur vos sentiers battus quand le noir nous poursuit. On s'enfile les liquides cornus pour ne pas perdre de vue la nuit qui glisse toujours trop vite. Nous sommes là. S'illumine. Ha! La la la la. C'était la pièce Skinny Thing par Vogue Dots. Ça descend d'une place en quatrième position anglophone et avançant en quatrième franco. C'était la bronze avec la jeunesse féline, l'ancien numéro 1. Avant de passer aux troisième places, allons voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Ouais, je la chantais en duo avec Stéphanie avant, ça sonnait mieux. Un peu. Mais c'est pas vraiment mieux parce que j'étais quand même là, t'sais. Mais au moins, il y avait une deuxième voix. C'est moins insupportable. Donc, c'est ailleurs dans les palmarès où on regarde un petit peu ce qui se passe. Attention, ailleurs dans les palmarès. C'est quand même assez songé comme titre, disons, assez descriptif comme nom de chronique. C'est rare que je fasse des titres descriptifs, moi, tu sais. Donc, ailleurs dans les palmarès, ça veut dire qu'on va regarder ce qui se passe autre que dans le top 20 francophone et le top 20 anglophone. Ça veut dire qu'on regarde le top 30 des CD, le top 30 des disques canadiens, le top 10 loud et le top 5 musique du monde. Oh, wow! En effet. Dans le top 30 des albums, on a trois nouvelles entrées. En 22e place, c'est Rise Against avec The Black Market. En 20e, The Devin Cuddy Band avec Kitchen Knife. Et en 19e, Orange O'Clock avec Crazy Carnival. Les deux derniers, tout sauf Rise Against, étaient des nouvelles entrées dans le palmarès régulier anglophone. Côté top 3, en troisième place, c'est l'ancien numéro 2, Jack White avec Lazaretto, qu'on va entendre tantôt. En deuxième, ça monte de 10, Sleeper Agent avec About Last Night. Et en première place, ça monte de 19. Nouvelle entrée dans le précédent palmarès, c'était Monomyth avec Saturnalia Regalia. Dans le top 3 des disques canadiens maintenant, en troisième place, ça monte de 15, The Harpoonist and the Axe Murderer, qu'on vient d'entendre il y a quelques instants avec l'album A Real Fine Mess. En deuxième, c'est Vogue Dots, qu'on vient aussi d'entendre avec Tosca. Et en première place... Oh, il m'excite tellement que ça va bien, lui. Et en première place, ça monte de 19, Monomyth avec Saturnalia Regalia. Je le prononce différemment à chaque fois, vraiment. Dans le top 10 loud, deux nouvelles entrées, dont le top 5, dont la position numéro 5, pardon, c'est Ace Frehley avec Space Invader. En troisième place, ça descend de, d'une place, c'est Mastodon avec Once More Round the Sun. En deuxième, l'ancien numéro 1, Epica avec The Quantum Enigma. Enigma. Et en première place, c'est une nouvelle entrée de Opeth, Pale Communion. Dans le top 5 des musiques du monde maintenant, rien n'est nouveau, donc faisons le top 3. En troisième, ça descend d'une place, The Talking Fish, Asem Oussem Iyak, une pièce de EBBO Sound Machine sur l'album EBBO Sound Machine. En deuxième, ça monte de 2, la pièce Give Me Back My Bounty Bounty par The Bombay Royale. Et en première place, c'est Stable, cinquième semaine de présence pour l'extrait Soul Clap de Quantic sur l'album Magnetica. Et justement... on va entendre le numéro 1, parce qu'on n'a pas écouté de musique du monde du tout, on parlera assez fou. Pendant l'été, on était en formait, je parle tellement bien, d'une heure, donc on n'a pas vraiment écouté en fait du tout de musique du monde, de ce qu'on fait en saison régulière, en hommage à tout ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. C'est pas nécessairement tout le temps de la musique du monde, là. Des fois, je vais regarder, voir si je peux pas trouver quelque chose de passable dans le top 10 loud, t'sais. Oh wow! Donc, voici la pièce de Soul Clap de Quantic, projet du DJ, producteur et musicien Will Holland. La chanson qui se promène sur le web depuis 2011 a été officiellement endisquée sur son album Magnetega, sorti il y a quelques semaines. Les chansons de l'album sont en fait une espèce de pot-pourri, des chansons qu'il a enregistrées pendant son séjour en Colombie, séjour qui a duré quand même 7 ans. Donc, on écoute ça, c'est le numéro 1 du palmarès Musique du Monde. Voici Quantic et Soul Clap. Et après ça, on revient pour parler encore plus de musique du monde. Ouhou, c'est des palmarès, c'est fou. Ailleurs dans les palmarès. We'll be right back. La pièce Soul Clap par Quantic dans la section ailleurs dans les palmarès sur le 81 FM. C'était la position numéro 1 en fait du top 5 musique du monde. Le top 5 qu'on peut entendre au complet à l'émission Palmarès du monde avec David Ferron. En fait, oui, ça a changé. Avant, je mentionnais tout le temps l'émission Brancher le monde les dimanches soirs. Ça n'existe plus. Il a fusionné le concept du palmarès de musique du monde qui était dans cette émission-là, Brancher le monde. C'est transféré à une nouvelle émission qui s'appelle Palmarès du monde qui existe depuis le milieu de l'été environ. Voilà. Donc, écoutez David Ferron, il est là le soir à 18h. Ici même, assez fou. D'ailleurs, David Ferron fait un sondage sur son site web branchelemonde.wordpress.com. Branche sans l'accent évidemment sur internet, hein? branchelemonde.wordpress.com. Il nous dit, et je le cite ici, et oui, l'été tire à sa fin et le palmarès musique du monde sur les ondes de CIFU 89.1 FM tous les lundis dès 18h, c'est illustré avec de fort jolies chansons. Parmi celles-ci, 5 auront l'occasion de se retrouver au top 5 estival. La lutte a été serrée pour choisir les 5 finalistes. Parmi celles-ci, 2 se retrouvent au ballottage pour la 5e position et votre vote est déterminant pour la chanson sélectionnée. Vous pouvez aller sur branchelemonde.wordpress.com. La date limite pour voter est le dimanche 14 septembre, pas dimanche là, mais l'autre appareil, à 17h. La chanson gagnante sera révélée à l'émission matinale Assemblage requis le lundi 15 septembre à 8h. Donc, dans sa nouvelle chronique, les notes salées avec David Ferron. C'est à partir de ce lundi qui s'en vient. Donc, le truc du palmarès, c'est lundi le 15 septembre, mais David Ferron commence vraiment le 8 septembre à sa nouvelle chronique à Assemblage requis. Donc, soyez-y, écoutez tant qu'à faire des plugs. Assemblage requis est du lundi au jeudi, entre 6h30 et 9h30. On revient, on quitte la section ailleurs dans les palmarès pour se retrouver dans le top 3 des top 20 francophones et anglophones. En anglo, ce sera Jack White et Lazaretto qui descend d'une place, mais avançant en franco. Voici La Féline, à ne pas confondre avec la pièce La Jeunesse Féline du groupe La Bronze. Ah non, c'est le groupe La Féline et la pièce Adieu l'enfance. C'est un peu mêlant. Tiens, c'est quoi ce soir-là? À la mode, les enfants. Il y en a de plus en plus, les enfants. Insignifiante phrase, ça. Ça veut rien dire. Des fois, je dis n'importe quoi. Ça, quel fun. On me dirait d'arrêter de parler ici, là, mais d'habitude. Je te dis au revoir. Jack White et Lazaretto. C'est beau sur le numéro 3 anglophone. Juste avant, Franco, c'était Adieu l'enfance de La Féline. Maintenant, on est rendu aux deuxième place. C'est vrai, le temps file. L'émission s'achève bientôt, dans peut-être un petit peu moins d'une demi-heure. On va avoir le temps de reculer en arrière parce qu'on a eu moins de chroniques que d'habitude. On va recommencer à avoir nos chroniques régulières. En tout cas, au moins un instant classique va s'ajouter la semaine prochaine, ce qui va nous enlever un bon petit 10 minutes de musique. Mais bon, donc on aime bien pouvoir entendre presque toutes les positions, les 40 du top 20 franco et du top 20 anglophone dans cette émission d'aujourd'hui. En deuxième place anglophone, c'est Sleeper Agent. J'adore, c'est Waves. Et ça monte de deux places sur l'album About Last Night. Mais avant ça, en francophone, un autre grand succès en ce moment, c'est celui de Mordicus. Voici Home. Sur C'est fou! C'est pas mal, c'est fou! Coming down from 99. Uh-oh, love the aroma. C'était Waves par Sleeper Agent, le numéro 2 anglophone, ça monte de 10. Et avant ça, Mordicus avec Oh Maman qui monte, elle, d'une place sur l'album Cri Primal. On est déjà rendu presque à la fin de l'émission. Les numéros 1, ça en vient juste là. Mais les numéros 1, quand j'ai le temps, en saison régulière, c'est-à-dire pas l'été, je vais me faire des petits jeux de mots. T'sais, je viens de m'en rappeler pendant que je vous le raconte, là, c'est que j'ai des jeux de mots à faire. Et on dirait que j'ai comme une mémoire, genre, je sais pas, j'ai des trous de mémoire, on pourrait dire que j'ai une mémoire, ben, mettons, percée. T'sais. Si ma mémoire était un bateau, ce serait sûrement une épave trouée. L'épave trouée. Hein? Hein? C'est un peu. T'sais. Je sais que vous êtes peut-être pas au courant de comment mon cerveau fonctionne, de comment t'sais, les choses s'enchaînent dans ma tête. Les choses s'entraînent. Les choses, c'est le mot que je cherchais. Mais c'est ça. C'est comme sa propre bête. Mon cerveau est une bête. C'est une bête sauvage. C'est comme une chose sauvage, si on veut. Ouais. Ça, c'était pour le côté francophone. Vous verrez tantôt ce que ça veut dire. Du côté anglophone, disons que pour chercher la définition de ces jeux de mots-là, vous allez devoir, mettons, t'sais, dans le noir de ma tête, vous devriez avoir une chandelle pour vous retrouver, ou au moins un chandelier. T'sais. Même s'il n'y a pas de chandelle dedans, au moins il va y avoir un chandelier. T'sais. Hein? C'est vrai. T'sais. C'est pas faux. C'est pas une légende urbaine que mon cerveau est comme une caverne. Ce n'est pas un mythe, un seul mythe comme un monomythe. Hein? Je pense que je devrais les expliquer moi-même. T'sais. Parce qu'il n'y a personne pour expliquer les jeux de mots pour moi. Donc, du côté anglophone, ce sera monomythe avec Candle Holder, chandelier, sur leur album Saturnalia Regalia. Et du côté francophone, on débute avec Chose Sauvage. Voici leur pièce, l'épave trouée. T'sais, tu vois, tout a du sens maintenant. Une fois que t'as expliqué, ben, du sens, vite dit. Sens! Ça, c'est quand je dis vite du sens. Sens! Ouais. première position. Position numéro 1 de chaque côté, mais avant de dire les numéros 1, petit récapitulatif. Hein, du côté anglophone, la troisième place est Jack White avec Lazaretto. En deuxième, Sleeper Agent avec Waves. Et en première, on vient d'entendre Monomyth et Candle Holder. En francophone, la troisième, c'est Adieu l'enfance de La Féline. En deuxième, Au Maman avec le groupe Mordicus. Et en première place, on l'a entendu juste avant, Chose sauvage et l'épave trouée. Voilà pour les palmarès pour la semaine ou la période du 25 août au 7 septembre 2014. Mais il nous reste encore un petit peu de temps, je dirais une dizaine de minutes environ, donc on va entendre un bloc de pièces qu'on a sautées précédemment dans l'émission. On va entendre les 18 et 17 francophones, plus tard Carl-Éric Hudon. Mais avant ça, voici Canaille et Marathon. Sur C'est fou! 80 fois, je me vois pas tellement courir après l'accent. J'aime déchiqueté, puis je les recrache en confetti. Ça me tente pas de travailler aujourd'hui, mais je dois tout ça pour garder ma magie. Jamais rien va tâcher mon fou. Les enfants veulent jouer dans la boue. C'était Carl Éricudon et notre propre roulette russe en position 17 francophone, précédée de la position numéro 18, Canaille, Marathon est le nom de la pièce. Voilà, c'est tout pour les Palmarès C'est fou pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis maintenant entre 14h et 17h avec Jean-Philippe Charbonneau et moi-même. On repasse pour l'instant les vendredis entre 17h et 20h. Les heures de rediffusion sont à confirmer pour la programmation d'automne. Suivez nos aventures sur cifou.ca. Vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 et au Mathieu Plante Show dorénavant les mardis entre 13h et 15h. Il y en a plein de choses à retenir, mais tout est sur cifou.ca et assemblagerequis.com. Les deux adresses à retenir. On va se quitter avec une dernière pièce pour ceux qui nous écoutent sur la plupart de nos stations. Ce sera à Caravane avec Minuit, c'est la position numéro 16 francophone. Je vous souhaite une excellente fin de semaine ou semaine. Et je vous rappelle le spectacle de la rentrée. Hashtag rentrée UQTR, ça a lieu ce soir pour ceux qui nous écoutent en direct le mercredi 3 septembre. C'est à 19h sur le campus du QTR, juste à côté de la chasse-galerie et du pavillon de la vie étudiante. Et il va y avoir Radio Radio, Mister Valère, Debbie Tebs et Dead Obies. C'est ce soir, mercredi 3 septembre à 19h. Voilà, c'est tout. Caravane avec Minuit dans quelques instants. Bye bye. Tu dois me laisser payer mes dettes.